Édition de mars 2013. Bonjour et bienvenue à cette cinquième émission de la deuxième série du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Audiocité, c'est une famille. Une très grande famille. Avec des lectrices. Avec des lecteurs. Avec des auditrices. Avec des auditeurs. Ainsi que des auteurs de la francophonie. Rejoignez notre famille. Audiocité.net. Commençons immédiatement avec la rubrique historique de l'émission, tirée du Progrès de l'Est de Sherbrooke. Les éditions de l'avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 1, colonne 2. Revue étrangère. La session du Parlement anglais tirant à sa fin, il se produit une certaine hâte dans les travaux pour venir à bout de la besogne et la terminer. Dans les commencements de la session, on était plutôt disposé à parler qu'à voter. Aujourd'hui, il y a changement complet et les quelques députés qui siègent encore ne veulent plus de discussion et se montrent impatients. La position du cabinet Gladstone, qui paraissait être en péril il y a un mois, s'est améliorée et a reconquis les faveurs de l'opinion publique. Les complications résultant du canal de l'isthme de Suez et de la politique française à Madagascar faisaient craindre que l'opposition ne réussît à obtenir un vote de non-confiance. Mais le ministère a été tiré de sa mauvaise position par la faiblesse de la tactique du Parti conservateur et aussi par l'habileté consommée de M. Gladstone, qui a changé une défaite possible en victoire. Les relations diplomatiques entre les gouvernements français et anglais ne sont pas clairement définies. À sa dernière entrevue avec Lord Granville, M. Waddington a donné communication du rapport du consul Ledoux à Zanzibar sur l'incident de Tamatave. Il y a conflit et contradiction entre le consul français, le commodore Johnson, les missionnaires anglais et les dépêches télégraphiques. M. Waddington a refusé de donner des explications ultérieures sur la politique française. Le blocus des ports chinois dépend de l'attitude de Pékin. Cette mesure est imminente si le gouvernement chinois refuse un règlement à l'amiable des difficultés. Le duc de Cambridge et le prince de Galles ont accepté l'invitation d'une visite à l'empereur d'Allemagne, comme aussi à assister aux manœuvres d'automne. Cela peut donner lieu à la supposition que l'Allemagne recherche l'alliance de l'Angleterre dans le but d'isoler de plus en plus la France en Europe. La santé de la reine d'Angleterre s'améliore de jour en jour. Il lui est actuellement possible de recevoir quelques visites à Osborne. La duchesse de Connaught accompagnera son mari aux Indes. Comme conséquence de rumeurs que le duc et la duchesse de Teck n'avaient pas reçu d'aide de leurs parents de la famille royale, il est maintenant rapporté d'une manière non officielle que le contraire a eu lieu continuellement depuis son mariage. Il a été payé des dettes pour un montant de 150 000 $, mais la famille a été obligée de refuser le règlement complet d'autres sommes considérables. la cause qui a mis les conjoints de Teck dans l'embarras, est une extravagance sans limite ajoutée au goût très prononcé que le duc a pour le jeu et les spéculations de la bourse. L'impératrice Eugénie est actuellement à Carlsbad. Elle souffre de la dyspepsie et de la débilité. Un Américain, le docteur Evans de Paris, a été appelé pour la soigner. Le sultan a reçu favorablement les propositions d'une compagnie anglaise relative à la construction d'un canal de navigation partant de la Méditerranée par la vallée du Jourdain pour arriver à la mer Rouge. L'exécution de ce projet rendrait la porte indépendante du canal de Suez et aurait beaucoup d'importance pour les provinces de l'Asie mineure faisant partie de l'Empire turc. D'après une dépêche de Londres, en date du 23, les hostilités ont commencé au Tonkin. Les Français, divisés en trois colonnes de 500 hommes l'une, ont pénétré jusqu'à Sonthé. Ils ont tenté de prendre ce village fortifié à la baïonnette, mais la défense a été tellement vigoureuse que le projet a dû être abandonné. En rentrant à Hanoï, les Annamites ont essayé de poursuivre les Français qui les ont reçus avec une fermeté énergique et mis en déroute. Les Français ont eu 2 officiers et 10 soldats tués et 54 blessés. Les Chinois alliés ont eu 30 tués. Une autre dépêche au Times de Londres annonce que les Français ont pris Aldjord, où ils se sont emparés de 150 pièces de canon et d'une somme de 50 000 $ en numéraire de l'ANEM. Cette expédition, dont l'issue sera certainement favorable à la France, ne nous semble pas être conduite de manière à la rendre aussi courte que possible. Les Français ne sont pas assez nombreux, et pour peu qu'ils soient obligés de se disperser, ils auront toujours à lutter 1 contre 20, ce qui n'est pas agréable sur un champ de bataille, quand même l'ennemi est aussi poltron que des lapins. Pour aller vite en besogne, les Français devraient être au moins 20 000 hommes, chiffre qu'ils sont loin d'atteindre, puisque les renseignements les plus exacts ne leur accordent qu'une petite armée de 5 000 hommes. Mentionnons que la diffusion du Progrès de l'Est est faite avec la permission de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Des livres à lire et à entendre est une association qui a pour objet de faciliter l'accès de tous, et en particulier des non-voyants et malvoyants, aux joies de la littérature. Son principal outil d'action est son site internet qui a 2 fonctions. 1. Fédérer une communauté d'internautes bénévoles qui enregistrent leurs propres lectures afin de constituer un vaste catalogue de livres audio gratuits. 2. Recenser tous les autres livres audio disponibles gratuitement sur Internet. Si ce projet vous intéresse, rendez-vous sur www.littératureaudio.com. Poursuivons avec l'anecdote humoristique d'Aristide Filiatro. Tirée de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'Avenir présentent Le bœuf à Napoléon. Mon ami Napoléon C. est aujourd'hui un avocat distingué qui a réussi à se créer une très belle clientèle et, en même temps, est parvenu à se faire élire maire d'une grande ville du Canada par ses talents supérieurs et son intelligence. À l'âge de 25 ans, il était apprenti typographe dans l'atelier de son cousin, M. Tréflé Berthiaume. Voyant que le métier ne le conduirait à rien, il prit la résolution d'étudier le droit. Reçu avocat, il s'établit à Hull. Dès le lendemain, il rendait visite à M. Alfred Rochon, alors avocat, pour lui présenter ses hommages. M. Rochon avait dans ses bureaux 2 gros coffres-forts dans lesquels il serrait ses valeurs et ses dossiers précieux. Après les compliments d'usage, mon ami Napoléon fit la remarque suivante. « Mon savant collègue, j'ai grandement hâte d'avoir comme vous un gros coffre-fort dans mon bureau. »« Oh, votre ambition est fort légitime, mon jeune ami. Mais croyez bien que d'après ma vieille expérience, une bonne poche de culotte bien doublée en chamois est suffisante pour tous vos revenus pendant au moins une quinzaine d'années. » Mon ami Napoléon, en outre de ses talents incontestables, avait une particularité dans la vue qu'on ne rencontre pas souvent chez le commun des mortels. Il louchait horriblement, mais d'une manière qui n'appartenait qu'à lui. Son regard, au lieu de se diriger vers l'ouest d'un côté et vers l'est de l'autre, était oblique, de sorte que les deux yeux convergeaient vers le même point. Comme c'est un bon luron et un gai compère, il a toujours eu le mot pour rire, même à ses propres dépens. C'est ainsi qu'il raconte volontiers l'anecdote suivante. Vous savez, moi, j'ai été élevé à la campagne. On avait l'habitude de tuer un porc et d'abattre un bœuf tous les ans pour l'usage de la famille. Lors d'une opération de ce genre, l'homme engagé tenait le bœuf par les cornes et j'avais la hache dans les mains, prêt à frapper, lorsque notre engagé m'arrêta et m'apostropha ainsi. « Dis donc, Poléon, t'es-tu professé où tu regardes? »« Mais certainement. »« Moi? Eh bien, moi, je te dis tout de suite, je lâche le bœuf. » Salut, je m'appelle Asmar. Il était une fois Azur et Asmar. Non, rien à voir avec le film. Moi, ça serait plutôt ce genre de film. Si vous tapez sur ce péteux jusqu'à soir, il vous avouera que c'est lui qui a bousillé le pont de la rivière Kwai, sauf que ça prouvera de la couille. Normalement, je suis faiseur de bande dessinée. Je dessine et les gens rigolent. Mais là, je vais créer ma saga MP3. Et pour ça, je vais sur Netophonics. Parce qu'il y a tout ce dont un créateur a besoin. Et en plus, il y a plein de mecs sympas. Des scénaristes, des voix off, des magiciens, des barbares, des serpents, des pingouins, des pommes, des poires, des Scooby-Doo. Et même quand il n'y a rien, eh ben j'y vais quand même. Je m'appelle Asmar et je suis un futur créateur de saga MP3. Et toi, c'est quoi que t'écoutes? World of Netophonics. Découvrez, téléchargez, écoutez et commentez gratuitement sur www.netophonics.com. Place maintenant à Mazas Pavel, les arènes d'Aubioche d'André Bory. Le mois dernier, Mazas et ses amis ont été vendus comme du bétail. Certains comme gladiateurs pour les arènes, d'autres, dont Mazas, comme gibier pour la chasse à l'homme. Nous en étions à la quatrième partie du chapitre 4. Chapitre 4, quatrième partie. Melbar Kazum observa attentivement pour la énième fois le cul de Basse Fosse où lui et ses amis avaient été enfermés en compagnie d'une cinquantaine de prisonniers de diverses races, en majorité des Terraniens. À croire que les humains étaient considérés comme des champions dès lors qu'il s'agissait de s'étriper. À son arrivée, le groupe, constitué par la vingtaine de passagers du Pierre le Grand destinés au jeu du cirque, avait été entouré par ses compagnons de misère, avides de nouvelles et, peut-être, d'espoir. Le géant n'avait guère pu les renseigner. Il s'était contenté de les exhorter à ne pas perdre le moral, leur assurant que toute situation, si critique soit-elle, leur laisserait forcément une chance de s'en sortir à un moment ou à un autre. Affirmation qui fut loin de déclencher l'enthousiasme parmi les involontaires candidats au massacre. Pendant 3 jours, les gladiateurs des temps modernes eurent amplement le loisir de songer à leurs conditions inconfortables de futures victimes. Mais les 2 adaptés, le mercenaire Kersatien et les 4 officiers de l'OMU, avaient un caractère bien trempé. Ce qui était aussi le cas des gardes et du déliant, à présent qu'il avait expliqué les raisons de ses actes. Ils attendirent donc avec une relative sérénité le moment qu'ils les verraient pénétrer dans l'arène. Parmi les autres captifs, certains semblaient supporter leur sort avec stoïcisme, voire indifférence. Toutefois, 10 d'entre eux passaient leur temps à se lamenter, ce qui leur valut des foudres de Carlo de Barre. Oh, arrêtez un peu de gémir. Si vous continuez comme cela, vous avez perdu l'avance. Autant vous suicider tout de suite pour gagner du temps. Vous êtes nouveau ici. Vous ne savez donc pas ce qui vous attend. Nous avons été témoins des jeux précédents pour notre mise en condition. Et je peux vous dire que face à un brécosaure ou à une hydre de Thalès, vous n'aurez pas la moindre chance. Et surtout, vous, avec votre abattis en moins. En plus, Ces saletés d'animaux prennent un malin plaisir à faire durer le combat, vous déchiquetant petit à petit à coups de griffes ou de crocs, avant de commencer à vous manger, souvent encore vivants. » S'exclama d'une voix hystérique, un franc-passeur à la tignasse rousse et hirsute. « Quel est donc l'an ?» lui demanda Rick, changeant de conversation pour tenter de le calmer. « Je faisais partie du clan de Zulgar. »« Comment as-tu abouti ici ?» J'étais capitaine du Zulgar 19, mais j'ai été exilé par le patriarche parce que j'avais essayé de garder pour moi quelques pièces archéologiques que nous avions récupérées sur un navire férolien. Récupérer ? C'est la nouvelle signification de pirater utilisée par les francs-passeurs ? Laissa tomber Aurel Gonal, l'ex-chef mécanicien du vaisseau-prison, avec un petit rire de mépris. Le marchand galactique regarda le grand arcanide à la chevelure blanche, estima du coin de l'œil sa carrure et choisit prudemment de ne pas répondre à l'affront qui lui était fait. Il haussa les épaules et poursuivit. « Le clan m'a abandonné sur une planète habitée par des primitifs qui, m'ayant vu descendre du Zulgar 19, m'ont pris pour un dieu. Pendant plusieurs années, j'ai donc vécu comme un coq en pâte, vénéré par l'ensemble des membres de la tribu qui m'avait adopté. » Cependant, malgré tous les plaisirs que je pouvais tirer de cette situation, la civilisation n'a pas tardé à me manquer. Et lorsqu'un astronef est venu se poser sur ce monde, je me suis précipité vers lui. Pour mon malheur, il s'agissait de négriers venus se ravitailler en esclaves. Mon histoire les a fait bien rire, et ils m'ont vendu sur Obioche. J'ai déjà participé à une séance dans l'arène. Et j'ai réussi à m'en sortir par miracle. Mais je sais bien que le propre des miracles, c'est de ne pas se renouveler. » La discussion fut interrompue par l'ouverture de la grille massive qui fermait leur prison. Puis, par l'entrée de plusieurs gardes armés de radiants et de fouets électriques. Derrière eux, un des organisateurs des Jeux du Cirque, dont ils avaient fait la connaissance à leur descente du Pierre-le-Grand. L'homme, un terranien maigre aux cheveux en brosse teints en violet, s'adressa au captif. « Bonjour, messieurs. C'est demain le grand jour pour vous. Je vais donc vous donner le programme des réjouissances, afin que vous sachiez ce qui vous attend et que vous puissiez vous préparer en conséquence. » Chapitre 4, cinquième partie. Mazas prit congé du colonel Ternet, du lieutenant Karel Hoffman et du sergent Lamar, qui devaient être déposés à d'autres endroits de l'île, en leur souhaitant bonne chance, puis elle descendit le plan incliné qui menait au sol. À peine était-elle sur l'herbe grasse du terrain, que la passerelle fut retirée et la jeune femme dut reculer précipitamment pour éviter d'être touchée par les flux d'énergie des moteurs réactivés. Le vaisseau s'éleva dans les airs, effectua une courbe et, survolant la petite forêt près de laquelle elle avait été larguée, s'éloigna afin de poursuivre son lâcher de gibier. Lorsque leur engin avait atteint l'île où devait se dérouler la chasse à l'homme, il s'était posé sur un petit astroport, le temps pour Mazas et ses compagnons de faire connaissance avec les chasseurs. Il y avait 4 groupes de 5 personnes et de 3 féroces molosses tenus en laisse. Leurs maîtres étaient armés d'antiques fusils à poudre et de sabres d'abattis, et ils attendaient pour découvrir, après tirage au sort, lequel des prisonniers leur avait échu. La jeune femme n'eut pas besoin de longues explications pour comprendre que c'était elle qui était considérée comme le morceau de choix. Les cris de joie de ceux qui l'avaient gagnée, ainsi que les mines déconfites des perdants, étaient suffisamment explicites. Un plan de l'île leur avait été montré. Il figurait l'emplacement où ils se trouvaient, les 4 zones où ils seraient déposés, et le but qu'il leur faudrait atteindre pour rester en vie. Quelle distance y a-t-il à parcourir avant le refuge? S'était informé le colonel Ternet. Environ 50 kilomètres, mais vous n'y arriverez jamais. Avait ricané un des hommes. Personne n'a réussi à nous échapper jusqu'à ce jour. Cependant, afin de vous laisser une toute petite chance, nous vous octroierons une heure d'avance avant de commencer la chasse. Mazas regarda autour d'elle, cherchant à s'orienter pour trouver la direction du but à atteindre. Elle tenta de visualiser la carte de l'île qui leur avait été brièvement présentée et se concentra en fermant les yeux. Sur l'écran de ses paupières closes, elle revit les emplacements des forêts, assez nombreuses et touffues, la colline dénudée parsemée d'éboulis et la côte la plus proche de l'endroit où elle se trouvait. Un sourire sans joie s'esquissa sur ses lèvres. « Vous allez peut-être avoir des surprises désagréables. » Elle jeta un coup d'œil au chrono qu'elle portait au poignet, seul instrument autorisé par les chasseurs. Sans doute une façon sadique d'augmenter le stress du gibier en lui donnant la possibilité de savoir où en étaient les traqueurs. « Encore 57 minutes s'ils observent leurs propres règles, » estima-t-elle. La jeune femme commença à courir d'une allure souple, non pas en direction du refuge à atteindre, mais vers la mer. Tout en traversant des zones boisées, elle observait la végétation, cherchant du regard le type d'arbre qui conviendrait à son plan. Son choix s'arrêta sur une espèce d'if dont les branches longues et droites lui parurent appropriées. Elle escalada agilement le tronc, s'éleva parmi les fourches branchues jusqu'à ce qu'elle atteigne une tige de 4 mètres de long qu'elle s'évertua à briser à sa base. Ses efforts furent couronnés de succès et elle dégringola au sol avec son butin. Un coup d'œil vers les frondaisons pour s'assurer que l'on ne voyait pas la blessure sur le tronc, puis elle reprit sa course. Lorsqu'elle atteignit la côte, ce fut pour s'apercevoir qu'elle se trouvait dans une mangrove dont les pieds des arbres étaient immergés dans l'eau sur plusieurs hectares. Excellent. Les chiens vont avoir quelques difficultés à me retrouver là-dedans. Elle avisa un rocher auprès duquel se trouvaient plusieurs grosses pierres. Elle en choisit une qu'elle frappa violemment sur une autre jusqu'à ce qu'elle récolte un éclat acéré aussi grand que la paume de sa main. Elle testa le tranchant avec son pouce et eut une moue de satisfaction. Elle saisit sa branche et en coupa 4 morceaux d'une trentaine de centimètres de long, dont elle épointa soigneusement les deux extrémités. De la même manière, elle se confectionna sommairement un épieu, un solide gourdin et un poignard effilé. Puis, elle se déshabilla, ne gardant que ses sous-vêtements et ses courtes bottes sur elle. Elle fit une boule avec le reste, après avoir déchiré les manches de sa combinaison. Elle chercha alors un arbre dans lequel elle pourrait dissimuler ses vêtements, en dénicha un dont une grosse fourche à 3 mètres de haut ferait une excellente cachette, et les lança en l'air. Au deuxième essai, elle réussit à les coincer de manière à les soustraire à la vue directe de ses poursuivants. Elle repéra soigneusement l'endroit, afin de le retrouver sans difficulté, puis, utilisant un de ses morceaux d'étoffe en guise de fourreau, après avoir fait un nœud à une extrémité, elle y glissa son poignard et ses 4 bouts de bois pointus. Ensuite, ses armes dans une main et son arête tranchante dans l'autre, elle s'avança dans l'élément liquide et tiède qui lui montait jusqu'à mi-cuisse, se glissa entre les troncs d'une espèce indigène de palétuvier en direction du large, tout en se posant des questions sur le genre de faune qui pouvait sévir dans cette eau légèrement croupissante. Elle s'arrêta au bout d'une centaine de mètres sur une sorte de minuscule îlot où elle installa son premier piège. Utilisant sa pierre acérée, elle découpa une des manches en 3. Puis, elle s'efforça de plier le plus possible une de ses branches pointées et de la maintenir dans cette position à l'aide d'un des lambeaux de tissu. Elle déposa soigneusement son ouvrage sur le sol, s'assurant que la solide étoffe remplissait bien son rôle de maintien, puis, ramassant tout son matériel, elle reprit sa marche dans l'eau. De temps à autre, elle appuyait ses mains sur un tronc, laissant intentionnellement une piste olfactive pour les chiens. Après un bon kilomètre de parcours erratique, elle s'arrêta à nouveau et consulta son chronomètre. Ils vont se mettre en route d'ici 2 ou 3 minutes, mais il leur faudra bien 1 heure pour atteindre la mangrove. J'ai donc largement le temps de leur concocter un tour à ma façon. Elle confectionna un second traquenard qu'elle déposa au creux d'un des arbres immergés, 30 cm au-dessus du niveau de l'eau, puis poursuivit son chemin parallèlement à la côte, cette fois dans la direction du refuge. Levant la tête pour repérer le type d'arbre qu'elle recherchait, elle marcha pendant 10 minutes avant de tomber en arrêt devant un végétal qui parut lui convenir. Gros, le tronc scindé en 2 à la base, il possédait un entrelac de branches épaisses dotées d'une certaine souplesse. Avec un petit sourire amusé, « S'ils m'attrapent, ils vont croire que j'ai fait ce que je pouvais afin de les séduire. » Elle démonta l'armature de son soutien-gorge et s'empara du fil plastique qui embordait les bonnets. Elle courba ensuite en arrière un de ses rejets qu'elle maintint en position à l'aide du lien ainsi obtenu et du troisième morceau de bois pointé qu'elle planta dans le sol à travers son dernier lambeau de tissu, dont une partie s'offrirait aussitôt à la vue de quiconque suivrait les chiens. Prenant un peu de champ et s'efforçant de se mettre dans la peau du chasseur qui était à sa poursuite, elle s'avança à nouveau vers l'arbre sur lequel elle avait jeté son dévolu. Critique, elle dut s'avouer qu'elle ne serait jamais tombée dans un piège aussi grossier. Mais elle avait été élevée par des mercenaires dont la survie était le principe essentiel, ce qui n'était certainement pas le cas des malades qui participaient à cette lamentable chasse à l'homme et qui étaient habitués à traquer des êtres terrorisés et, hantés par une seule pensée, atteindre le refuge qui leur sauverait peut-être la vie. À peu près satisfaite du travail effectué avec le peu de moyens dont elle disposait, elle jeta un coup d'œil au chrono. La chasse était lancée depuis 17 minutes, ce qui lui laissait le temps de peaufiner sa mise en scène. Elle utilisa la deuxième manche, celle qui avait servi de fourreau, et y glissa son dernier morceau de bois, à peine plié, afin de faire croire à une maladresse due à un début de panique. Elle déposa son piège bien en vue et s'éloigna en effectuant un arc de cercle qui la ramena vers la terre ferme, où elle laissa 2 empreintes de pas effacées de façon malhabile. Au lieu de poursuivre sa route, elle retourna dans l'eau et se mit à nager en revenant sur ses pas, mais en évitant soigneusement le contact de tous les végétaux qui se trouvaient sur son chemin. Et à moins de 100 mètres de l'endroit où elle avait initialement pénétré dans la mangrove, elle s'immergea parmi les entrelacs de racines d'un palétuvier. Le haut du visage affleurant à peine la surface de l'eau, elle attendit patiemment la venue de ses poursuivants. Chapitre 4, 6e partie. Yohop sortit prudemment la tête hors de l'élément liquide, contemplant le bipède dont le comportement insolite l'intriguait depuis qu'il avait pénétré dans son domaine aquatique. Le petit amphibien à la fourrure rase gris-souris et dont le sommet du crâne s'ornait de 2 évents cornés lissa de ses mains à 4 doigts les excroissances osseuses qui encadraient sa mâchoire supérieure, signe de la perplexité qui l'habitait. Son regard vif ne perdait pas un des mouvements d'un inconnu qui était venu ainsi troubler sa quiétude, et par extension, celle de toute sa minuscule tribu dont il était le veilleur. Avec étonnement, il le vit accomplir des gestes étranges et disposer divers objets tout au long de sa route. L'esprit en éveil, Yo-Hop se coula dans les flots en direction de la petite langue de terre où avait été déposé quelque chose de gris-bleu qui excita sa curiosité. Son corps fusiforme, porté par quatre courtes pattes palmées et griffues, émergea et s'approcha de la chose qui avait éveillé son intérêt. Avec hésitation, il avança une de ses mains, mais son instinct l'avertit soudainement de ne pas y toucher. Pendant quelques instants, le petit être, dont les trois poils raides situés de part et d'autre du museau frémissaient, parut tiraillé entre son désir et sa prudence. Mais finalement, c'est cette dernière qui triompha. Comme, avec regret, il retira sa main, replia ses bras sous son ventre et retourna dans l'eau afin de continuer à suivre le mystérieux visiteur, toujours en prenant bien soin de ne pas révéler sa présence. Chapitre 4, septième partie. Melba Kazum s'arrêta au milieu du couloir qu'ils étaient en train de parcourir en direction des arènes. Il écouta un instant les hurlements de la foule qui leur parvenaient malgré l'épaisseur des murs de leur prison. Sans doute un pauvre type qui vient de mourir, soliloqua-t-il de sa voix grondante, tout en repoussant négligemment de l'épaule le canon du radiant que l'un des gardes avait rudement appliqué contre son dos pour l'inciter à progresser. Ave César, moriturite salutant, ricana le frère de Mazas avec une moue de dérision. Avancez! Aboya le responsable du détachement en assénant un violent coup de canne dans les reins du mercenaire. Mal lui en prit, car Rick se retourna avec la vivacité d'un serpent, lui arracha la cravache et la lui abattit en pleine face. L'officier poussa un hurlement de douleur et porta les mains à son visage, dont la joue zébrée s'ornait désormais d'une trace sanglante. La riposte était avérée si rapide qu'aucun des surveillants n'avait eu le temps d'intervenir. Quand ils braquèrent leurs armes sur Rick, celui-ci laissa tomber la trique et leva ses paumes ouvertes au-dessus de sa tête. La tension devint extrême et l'Étrusien craignit un instant pour la vie de son ami. Pourtant, étrangement, ce furent les geignements pitoyables de la victime qui détendirent l'atmosphère. Les gardes, de vrais brutes mais capables de reconnaître le courage, jetèrent un regard méprisant sur leur gradé gémissant et rabaissèrent leur radiant. Pour eux, l'incident était clos. « Tuez-moi ce salaud !» hurla l'officier d'une voix qui frisait l'hystérie. « Il est prévu pour combattre contre une hydre. » Les spectateurs ne seraient certainement pas contents s'ils ne pouvaient pas assister à cette confrontation. Lui rétorqua paisiblement celui qui se trouvait à côté du mercenaire, sans même bouger son arme. Devant la passivité de ces hommes, son supérieur ravala sa colère et se contenta de jeter un regard meurtrier à Rick, qui affichait un petit sourire goguenard. Passant à côté de lui, il lança « J'espère !» J'espère que le monstre te dévore vivant par petits morceaux. La troupe des gladiateurs poursuivit sa route jusqu'à une salle étendue au plafond bas et dont les fenêtres panoramiques aux vitres blindées donnaient dans l'arène, quasiment au niveau du sol. Une porte à deux battants permettait d'accéder à l'amphithéâtre par un plan incliné. Vous pouvez profiter du spectacle. Votre tour ne viendra que cet après-midi. Vous comptez nous fournir des armes pour combattre ? S'informa l'Oxtornier. Ne vous inquiétez pas, vous aurez ce qu'il vous faut. Alors, donnez-les-nous maintenant, que nous puissions nous familiariser avec. Cela nous permettra de faire durer les duels plus longtemps, ce qui devrait vous plaire. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Vous êtes beaucoup trop dangereux. Du moins certains d'entre vous. Pour que nous vous mettions des ornes entre les mains avant votre entrée dans le rune. Carlo de Bar haussa son épaule valide et s'assit sans façon sur une longue table qui, avec plusieurs bancs et tabourets, ainsi qu'une grande armoire métallique, constituait le mobilier de la salle d'attente, comme la dénomma aussitôt l'Étrusien. La plupart des condamnés au jeu s'agglutinèrent derrière la baie vitrée, observant ce qui se passait sur le sable marbré de taches et de traînées sanglantes. Rick et Rumla se joignirent à eux, tandis que les deux adaptés restaient en retrait, paraissant se désintéresser des drames qui se déroulaient à quelques pas d'eux. Il ne s'agissait évidemment pas d'indifférence, mais les deux colosses savaient qu'ils ne pouvaient rien faire pour les empêcher. Alors, à quoi bon se mettre de la pression en contemplant le carnage effectué par les gladiateurs qui, comme au temps de la Rome antique, se massacraient à coups d'armes blanches? Pourtant, lorsqu'apparut un mastodonte de plusieurs tonnes, au long cou soutenant une tête dont la gueule ouverte découvrait des crocs impressionnants, ils s'approchèrent de la vitre blindée. Sournil! S'exclama l'un des prisonniers d'une voix enrouée. Carlo de Bar regarda d'un air interrogatif le petit homme grisonnant qui lui expliqua: Un animal carnivore des marais de Tulor, dont l'agressivité est renommée dans tout le système de Flashes. C'est étonnant qu'ils aient pu en capturer un et l'amener jusqu'ici. Comment le connais-tu? J'étais un chasseur pour un zoo de Tellus 4. Et pendant plus de 20 ans, j'ai attrapé les animaux les plus étranges de la création. J'ai eu en commande un sournil, mais à 3 reprises, mes expéditions ont échoué et j'ai eu bien de la chance de ne pas y laisser ma peau, comme la plupart de mes camarades. L'oxtornier hocha la tête et s'intéressa à ce qui se passait dans l'arène. 4 gaillards, armés de piques et de sabres, et accompagnés de 2 autres munis de filets plombés et de tridents, venaient de pénétrer face à l'animal, dont la queue épaisse, hérissée de 3 longs dards osseux et acérés, s'agitait sporadiquement. Son œil unique, rouge sang, protégé par un large bourrelet d'une peau si dure que du cuir, suivait le manège des 6 hommes qui se préparaient pour l'attaquer simultanément de tous les côtés. Sans le moindre préambule, le sournil pivota sur lui-même avec une célérité que l'on aurait cru impossible pour une telle masse et, dans un même mouvement, son cou et sa queue tréfide s'abattirent parmi des assaillants. Un des rétières se trouva épinglé contre le sol, transpercé par une des terribles pointes caudales, tandis qu'un de ses compagnons d'infortune se retrouvait dans la gueule du monstre, quasiment coupé en 2 par les crocs redoutables. Le drame n'avait pas duré 3 secondes. Vous avez vu ? La voix du petit homme frôlait l'hystérie. Melbar Kazom fit craquer les phalanges de ses énormes doigts. Signe de son énervement, mais il ne quitta pas la scène sanglante des yeux, tentant de maîtriser la colère meurtrière qu'il éprouvait contre les misérables qui avaient fait d'Aubioche un monde cruel et sans loi. Le combat entre les 4 hommes et le sournil prit fin au bout de 5 minutes et le saurien vainqueur, ne souffrant que de légères blessures, put se repaître à loisir de la chair de ses victimes sous les hurlements et les sifflements de la foule déchaînée. Rick, qui en avait pourtant vu d'autres, sentit son estomac se retourner à la vue des ruisseaux de sang qui s'échappaient de la gueule de l'animal tandis qu'il poursuivait son repas. Celui-ci terminé, il fallut de longues minutes à une armée de gardes volants équipés de fusils électriques pour parvenir à le ramener dans son enclos qui était situé sous les gradins. « Ces gens sont des monstres !» s'exclama Rumla, complètement écœuré. « Et ceux qui assistent à ces spectacles ne valent pas mieux !» renchérit l'Étrusien. Une lourde chape de silence s'abattit sur la troupe des gladiateurs vite interrompue par le fissier qui avait été frappé par Rick. Les deux costauds, préparez-vous, cela va être votre tour. Chapitre 5, première partie. Allez, cherche. L'attention de Mazas fut attirée par les cris d'encouragement des chasseurs à l'adresse de leur chien. Allez, cherche! Elle se coula un peu plus dans l'onde, ne laissant affleurer que ses yeux et son nez au milieu des herbes qui poussaient sur les racines immergées. Ses poursuivants apparurent dans son champ de vision, à la limite de la terre ferme. Les cinq hommes qui étaient sur ses traces s'arrêtèrent au bord de l'eau, tandis que les molosses tiraient sur leur laisse pour y pénétrer. « Maligne, la petite! Elle est rentrée dans l'eau pour échapper au flair des chiens, mais elle ignore que ceux-ci ont été élevés sur un monde aquatique et qu'ils sont capables de la suivre! » rigola l'un d'eux. Mazas s'immergea totalement, tandis que le groupe passait à une centaine de mètres de sa cachette. Elle resta ainsi pendant une bonne minute, percevant nettement le déplacement de ses adversaires, dont le bruit des pas était amplifié par l'eau. Quand elle remonta à la surface, les chasseurs avaient largement dépassé son refuge et suivaient la trace qu'elle avait laissée intentionnellement. À son tour, elle entama sa traque, observant leurs gestes, à l'affût d'une distraction ou d'une défaillance de leur part qui lui permettrait de changer son rôle de gibier en celui de chasseur. Elle profitait de tous les obstacles naturels pour se dissimuler, mais ses précautions n'étaient guère utiles, car les hommes qui étaient à sa recherche se contentaient de se laisser conduire le long de la piste suivie par les molosses sans jamais se retourner. Soudain, les chiens se mirent à hurler et l'un d'eux, dans un grand bond en avant, échappa aux mains de celui qui le tenait. Il se précipita vers un petit banc de terre ferme et se jeta sur un objet entouré d'un morceau de tissu. Le saisissant à pleine gueule, à l'aide de ses pattes avant, il s'efforça de dégager ce qui s'y trouvait dissimulé. Le piège, mis en place par la jeune femme, fonctionna au-delà de ses espérances. Libérée par les mouvements désordonnés du chien, la branche pointue se redressa d'un seul coup, traversant le palais de l'animal et se logeant dans le cerveau. Foudroyé, le molosse s'arc-bouta sur ses quatre pattes, avança d'un ou deux pas et s'effondra au sol avant de glisser lentement dans les flots. « Succus, qu'est-ce qui lui arrive ?» Avec méfiance, les cinq hommes s'approchèrent du cadavre. Son maître se pencha sur le corps sans vie, l'examina attentivement et découvrit la cause de son décès brutal. La sale petite garce! Je vous garantis qu'elle va payer cher la mort de mon brave Succus. Quand on l'attrapera, je la dépecerai de mes mains. Allons, ne perdons pas de temps et méfions-nous des pièges. Abandonnant le brave Succus à son destin de future nourriture à poisson, les chasseurs reprirent leur poursuite. Leur course rythmée par les aboiements des deux autres chiens rendus fous par l'odeur du sang et de la mort. Mazas passa à quelques mètres de sa victime à laquelle elle n'accorda pas le moindre regard, l'œil fixé sur ceux qui étaient devenus gibier sans en avoir conscience. Elle observa avec un petit sourire ironique leur manège lorsqu'ils aperçurent le deuxième piège et en détournèrent les chiens avant de s'en approcher. À l'aide de la pointe d'un sabre, ils le délogèrent de son emplacement et le désamorcèrent avec des cris de satisfaction. Elle nous prend vraiment pour des imbéciles. Elle ne croyait quand même pas qu'on allait se laisser berner une deuxième fois. Et ils poursuivirent leur route malaisée parmi des enchevêtrements de racines et d'algues. Soudain, un des chasseurs s'adressa à ses compagnons. Je vous rejoins dans un instant. Le temps de satisfaire un besoin urgent. Si vous la trouvez, n'oubliez pas de m'en laisser un peu. Conclut-il avec un rire gras. Ne t'en fais pas. Elle a sans doute encore pas mal d'avance. Il faut lui donner l'impression qu'elle a une chance de s'en tirer. Alors on va faire durer un peu le plaisir. La décision de Mazas fut immédiate. Se coulant silencieusement dans l'eau, elle s'approcha de l'homme qui chantonnait derrière un tronc d'arbre. Elle atteignit l'individu au moment où il refermait sa braguette et s'étirait avec volupté en poussant un soupir de satisfaction. Il tendit la main derrière lui afin de récupérer le fusil qu'il avait accroché à une branche. Ce fut son dernier geste. L'agent de l'OMU était un adversaire redoutable qui possédait à la perfection toutes les techniques du combat rapproché. La manchette qu'elle lui asséna sur la nuque lui brisa les vertèbres cervicales et elle accompagna sa chute pour éviter tout bruit pouvant alerter ses complices. Toutefois, ceux-ci menaient un tel tapage et les molosses aboyaient si fort que le risque était minime. Mazas dissimula le cadavre en l'immergeant et en le coinçant parmi les racines du palétuvier qui avait abrité ses derniers instants. Elle jeta un coup d'œil en direction des compagnons du mort, mais ceux-ci avaient disparu au détour d'un bosquet. « Un de moins !» murmura-t-elle d'un ton satisfait, s'emparant avec plaisir des armes, si démodées fussent-elles, de sa victime. Voilà qui égalisait un peu les chances. Sans s'occuper de leurs camarades qu'ils supposaient derrière eux, les quatre chasseurs avaient atteint le troisième piège construit à leur attention. Ceux qui tenaient les chiens en laisse les retèrent d'une poigne ferme, tandis que les deux autres s'approchaient avec méfiance du lambeau de tissu. Le maître de feu Succus allongea le bras et accrocha avec précaution le morceau d'étoffe avec la pointe de son sabre. « Décidément, elle nous prend pour des billes !» bougonna-t-il en tirant d'un coup sec. Avec un sifflement, la branche repliée par Mazas reprit sa position initiale, propulsant les pieux en avant. Un hurlement de douleur s'éleva, tandis que le second chasseur s'écroulait dans l'eau, la cuisse transpercée par l'arme de jet. Un torrent de jurons s'échappa des lèvres de l'auteur involontaire de l'accident, alors que le blessé enserrait de ses mains le manche de l'épieu en poussant des gémissements plaintifs. Mazas, qui avait à nouveau les quatre hommes en point de mire, constata avec joie que son piège grossier avait fonctionné d'une manière presque inespérée. Elle se permit un rire silencieux et attendit la suite des événements avec curiosité, bien cachée parmi la végétation. Plus que trois de valides. La situation s'améliore sensiblement. Et voilà pour la cinquième partie de « Les arènes d'Oubioche » d'André Bory. Suite le mois prochain. Les interprètes, Aldor, Alexandre, Atumi, Bernard, Christian Martin, Christophe, Christophe Hubert, Ezoa, Fred, Kael, K00, Mario Feito, Mika, Pierre et Torek. Vous pouvez retrouver ce roman d'André Bory sous sa forme livre audio à mazas3lavenir.canalblog.com. Aux dernières nouvelles, André, l'auteur, était absorbé par un travail de traduction pour le fanzine Basis. Salut, moi c'est Butterfou et je suis donc un batteur. Mais je joue aussi d'autres instruments. J'adore aussi faire l'acteur. Ainsi la conscience fait de nous autant de lâches. Ainsi la couleur native de la résolution est toute blêmie par le pâle reflet de la pensée. Et telle ou telle entreprise d'un grand élan et d'une grande portée à cet aspect se détourne de son cours. Et manque et mériter le nom d'action. Action ? Boucherie ! Voilà 3 codes de port. Et avec ça ? Et je fais aussi un peu de mix. J'adore les sagas MP3, c'est pour ça que je vais sur le Netophonix, car on y trouve tout ce qui concerne la saga Sphère. Et toi, où vas-tu ? World of Netophonix. Découvrez, téléchargez, écoutez et commentez gratuitement sur www.netophonix.com. Et maintenant, quelques infos sur nos activités. Après des mois, je me suis replongé activement dans la rédaction d'un roman jeunesse. Aussi, ai-je eu moins de temps à consacrer aux projets audio, dont ma SAS. J'ai tout de même terminé de monter tout le chapitre 0406 de la quatrième aventure et j'ai entamé le 0407. Par ailleurs, il reste encore 3 personnages à assigner, les 3 derniers. Lorsque ce sera fait, une importante étape aura été complétée. Pour le projet Edgar Poe, outre le fait que nous avons mis en ligne la nouvelle « Le chat noir », interprétée et réalisée par Jean Seb, nous en sommes au même point. Aussi, si vous voulez prêter votre voix au projet, n'hésitez pas, il suffit de me contacter à terran932@yahoo.com. Parlant des nouveautés audio du dernier mois, la nouvelle de Poe est apparue sur le blog le 7 février dernier. Les 3 jeudis suivants furent comblés par des articles du volume 1, numéro 3, du 8 septembre 1883 du Progrès de l'Est de Sherbrooke. L'expérimentation web radio des éditions de l'avenir sur la plateforme de Radionomie se poursuit. 2 nouveautés se sont ajoutées ce mois-ci à la programmation. 104 histoires de Nouvelle-France, une rubrique historique fascinante menée de main de maître par Jean-François Blais et Les aventures de Gilbert le Hamster, saga MP3, écrite et réalisée par Flo. Chacune ont bien sûr leur propre site Internet. On peut retrouver l'ensemble des histoires de la Nouvelle-France à 104histoires.com et le petit Gilbert à www.flopod.fr. Dans le cadre de la section « Longues œuvres de la programmation », on suit 5 œuvres en parallèle. « Les Misérables pour rire » de Weimar, « 5 semaines en ballon » de Jules Verne, « Agent de l'OMU » d'André Bory, « La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe » de l'abbé Lévesque, ainsi qu'une nouvelle, variant chaque semaine, de plus de 15 minutes. Je vous suggère de consulter le blog à l'Avenir Audio, en un seul mot, .canalblog.com pour prendre connaissance de la programmation hebdomadaire ou encore le site de la web radio à l'avenir radio en un seul mot -v2.playtheradio.com. Grande nouvelle, le sympathique Larnouf a ajouté notre podcast à Podcast France. Ce site recense plusieurs podcasts francophones sur tous les sujets. Le webmestre effectue un travail de titan en ce sens. Il diffuse également une émission, Dépêche Pod, qui nous informe chaque semaine de tout ce qui se passe dans l'univers des podcasts. Voici où nous trouver sur Podcast France. Podcast France, en un mot, .fr/les-éditions-de-la-venir-le-podcast. Mentionnons que l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog à l'avenir podcast en un mot .canalblog.com. ainsi que sur SoundsMap à sounds-map.com/fr/édition au pluriel et sans accent, -la-venir. Et en transition sur Podomatic, l'espace est à compter, à l'avenir en un mot, .podomatic.com. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à twitter.com/l'avenir audio, ainsi que sur Google+, sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Et voilà qui met fin à cette cinquième émission de la nouvelle série. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes nos productions audio à l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.